Paris, Saint-Cnès, Ajonction. Du nord au sud, enfoiré. Ouais, ouais. Tu seras banni à vie si tu te laisses aller. Garde ta langue dans ta poche ici, le silence est d'or. On a quitté la street, ça fait des années. Quand toi tu me connais que des rumeurs et puis t'en parles encore. Tu seras banni à vie si tu te laisses aller. Garde ta langue dans ta poche ici, le silence est d'or. On a quitté la street, ça fait des années. Quand toi tu me connais que des rumeurs et puis t'en parles encore. Quand trouve la force, quand personne t'encourage et que les taux se resserrent. J'ai trop peu de frères, autour beaucoup de faux airs et trop de faussaires. J'vis au jour le jour, mais quand tu comptes, c'est la même toute la semaine. Les mains liées, pieds dans la merde. Et même de l'air pousse sous ma semelle. Une zone où le chômage règne fait péter les stats de l'INSEE. Moi bien plus proche des stories crapuleuses que des rêves de l'INSEE. A ceux qui de par la souffrance ont forgé leur valeur. N'ont pas brisé la glace pour hériter d'au moins ces temps de malheur. La street elle nous a fait sincères et vicieux à la fois. Bah ouais, c'est qu'un frère nous ment et qu'il élève la voix. On aime qu'il se relève quand il s'enlise et n'a plus pied. Des piqûres de rappel nécessaires pour sortir d'un putain de guépier. La crasse, j'ai tant de questions sur lesquelles faudrait qu'on se penche. Quand on entend le poids de leurs mesures, c'est qu'ils attendent qu'on flanche. Un pied dans le vice et l'autre dans une voie qui voudrait qu'on se range. Les soirs, je dors avec mes démons sous le couvert des anges. Tu seras banni à vie si tu te laisses aller. Garde ta langue dans ta poche ici, le silence est d'or. On a quitté la street, ça fait des années. Quand toi tu ne connais que des rumeurs et puis t'en parles encore. Tu seras banni à vie si tu te laisses aller. Garde ta langue dans ta poche ici, le silence est d'or. On a quitté la street, ça fait des années. Quand toi tu ne connais que des rumeurs et puis t'en parles encore. Arrêtez les gens urbaines, parle pas de la main, je suis dans le son. Pas de taf pour les gens du tiek, ça part de la manutention. Les tensions sont multiples entre les gens qui utilisent le port d'armes. C'est bien les nôtres et les médias mutilent. Dans vos reportages, dans ce monde trash, on rêve de voir la paix nous embrasser. Comprenez que sans religion, les quartiers seraient tous embrasés. Humains avant tout, mais comme Saint-Cnès, j'ai l'hostilité. Ils nous traitent de racailles, c'est comme Saint-Cnès les hostilités. Et je vois les gros militer quand d'autres font dans le sensationnel. Ça pique et dans tout ce qu'on fait, ça donne un sens à ce qu'on aime. On aime, comme on partage avec aisance, on se connecte. On veut partir loin, mais y'a pas de quoi payer l'essence aux collègues. Et si t'as traîné dans la rue, t'as connu tant d'heures sombres. Crois-tu vraiment que ceux qui bigrapent vont le dire dans leur son? On a grandi rien dans les poches, mes proches vont tenir, c'est sûr. Mais les élections approchent, j'ai peur de ce que vont contenir les urnes. Tu seras banni à vie si tu te laisses aller. Garde ta langue dans ta poche ici, le silence est d'or. On a quitté la street, ça fait des années. Quand toi tu ne connais que des rumeurs et puis t'en parles encore. Tu seras banni à vie si tu te laisses aller. Garde ta langue dans ta poche ici, le silence est d'or. On a quitté la street, ça fait des années. Quand toi tu me connais que tes rumeurs et puis t'en parles encore. Au plus bas, ouais, caché dans la cale, tout ça broyé du noir. Qui boit la tasse, c'est bien les gosses la calier quand la France se noie. Et si les élus rendent visite, font caillasser et puis s'en vont. C'est peine perdue, conscient qu'y a rien à puiser dans un puits sans fond. Et pour une mort suspecte, tu trouves le quartier sur les dents. Quand les comtés du coin maquillent un crime en panne à l'accident. C'est bien nos marches silencieuses qui font courir le bruit. Quand ils nous guettent et font les sourds, à quoi sert de poussière un cri? Pas grand chose, un poste, un pète, une canette ici. Les keufs fraudés cherchent un pote, réponse, on le connaît pas ce type. Dégage ton haleine pastis, halluciné ou t'étéron. Nous c'est des prods qu'on plastique, ne nous prend pas pour des terreaux. Et tout est crade, vu ce monde dément dans le crâne. J'ai mis l'image, il veut être citoyen et musulman. Donc sur des mini il marche, de façon, croyant ou pas. On a tous subi insulte, ouest, ouest. Un message de paix pour tous, nord, sud, est, ouest.